Voyage léger, reviens lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Oh, elle a roulé des joints lourdement chargés. Les keufs nous ont lourdement chargés. Le flashball est lourdement chargé. Mon hôtel m'a lourdement chargé. C'est à mon tour de m'en charger. J'ai des frères dans la rue qui font 100$ heure. Yeah. Crois pas qu'on sort de la haute. Yeah. Écoute le son de la horde. Senzu Record, c'est le sang de la horde. Yeah. Tes saps sont attrayantes. Mais tes raps sont tréants. Si je te croise quand je traîne près de ta caisse, j'appuie sur triangle. Dites aux rappeurs d'arrêter d'écarter les cuisses. Éduquer à coups de câble électrique. Pour ton info, je fais peu confiance aux voleurs, mais encore moins à celui qui appelle les flics. Première séance studio financée par les narcotiques. Roi de la débrouillardise, on en est l'archétype. Langage est argotique, à l'aise comme l'argotique. J'suis dans l'arrière-boutique, tout est bio. Pull en cachemire, produit Senzu. La concurrence fait des pulls rêches. Toujours à l'étranger, j'connais plus le French. Et les mannequins, c'est loin d'être les plus fraîches. Voyage léger, reviens lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Oh, elle a roulé des joints lourdement chargés. Les keufs nous ont lourdement chargés. Le flashball est lourdement chargé. Mon hôtel m'a lourdement chargé. C'est à mon tour de m'en charger. Bon jeu comme idéo, Kojima pour une vie meilleure. Équipe chargée comme vidéo, tu nous casses les couilles comme Vimeo. J'envoie mon jeu comme idéo, Kojima pour une vie meilleure. Équipe chargée comme vidéo, tu nous casses les couilles comme Vimeo. Les gens de mon pays vivent dans le délire. Tu demandes pourquoi je suis dans mon délire. Des big raveurs jugés comme pour un crime. Et des pédophiles jugés comme pour un délit. C'est pas la même que Tony, ma vie de rêve. Les mecs du quartier m'appelaient l'infiltré. Scène de baiser tournée avec une actrice. C'était du jeu mais son cœur a vibré. Voyage léger, reviens lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Oh, elle a roulé des joints lourdement chargés. Les keufs nous ont lourdement chargés. Le flashball est lourdement chargé. Mon hôtel m'a lourdement chargé. C'est à mon tour de manger. Tu t'es fait chasser du quartier comme Bernard de la Villardière. J'suis convoité comme la villa d'un milliardaire. Perdu dans les rues de Berlin la nuit dernière. J'ai fait des tours de Uber dans la ville entière. J'suis rentré à l'eau, wesh mon refrain à l'eau. La flemme d'aller d'une boîte à l'autre. Maintenant j'tourne que à l'eau. Maintenant j'tourne que à l'eau. Wesh mais j'y reviens l'eau de mon charge. Copine est lourdement chargée. L'équipe est doublement chargée. On a roulé des joints lourdement chargés. Chargé. Neck. Feu.